Marie, serre-la bien. Marie, on s'en fout. Tous les gens sont des fous. Tony, regarde-moi. Tony, souris-moi. Et vis juste comme ça, juste pour toi et un peu pour moi. Mon cœur fait bam bam bam bam bam bam dans le ciel. Il fait bam bam bam bam bam bam au soleil. On fait bam bam bam bam bam bam tour à tour. C'est l'amour. C'est l'amour. Marie, ce matin, Marie, partons loin. Marie, tu verras tout ce qu'il y a en moi. Tony, je te suis. Tony, dans la vie, il faut respirer toutes ces nappes de gaieté. Mon cœur fait bam bam bam bam bam bam dans le ciel. Il fait bam bam bam bam bam bam au soleil. Tour à tour, c'est l'amour. Bam bam bam bam bam bam dans le ciel. Bam bam bam bam bam bam au soleil. Bam bam bam bam bam bam tour à tour, c'est l'amour. Marie. Nous y sommes. Nous y sommes. Tu es mon homme. Tu es mon homme. On vit enfin libre. Juste en âme. En harmonie. Bam bam bam bam bam bam dans le ciel. Bam bam bam bam bam bam au soleil. C'est l'amour. Bam bam bam bam bam bam dans le ciel. Bam bam bam bam bam bam au soleil. Bam bam bam bam bam bam tour à tour. C'est l'amour. C'est l'amour.